Portrait d'assaut sur Fadjet. Découverte d'un lieu de vie et qui apporte aussi une expérience unique pour qui veut s'engager dans une aventure humaine, dans un service civique notamment. C'est l'Arche à Nancy et pour nous en parler, nous accueillons Zoé. Bonjour Zoé. Bonjour. Qui est salariée et responsable d'une maison à Nancy qui s'appelle La Canopée. Elle se situe où, La Canopée ? La Canopée, elle est avenue du Général Leclerc, donc assez proche de la ville, comme les autres maisons d'ailleurs. L'Arche à Nancy, déjà l'Arche en général, c'est une association qui permet une vie commune entre des personnes en situation de handicap, la plupart du temps intellectuel, et des personnes valides. C'est une vie ensemble. Et l'Arche à Nancy a ouvert ses portes en 2014 et se compose de 3 maisons actuellement. Un GEM, donc un lieu d'activité, et une 4e maison qui est en cours d'ouverture. Et qui s'appellera comment ? On a déjà son nom ? Non, ce seront les habitants qui choisiront le nom après quelques mois de vie dans la maison. Donc aujourd'hui, il y a la Canopée, il y a la Braise aussi, c'est ça ? Oui, et la Colombe. Et la Colombe. Mais ce n'est pas qu'à Nancy, hein, c'est vraiment national, il y en a même dans d'autres pays, je crois. Oui, international, il me semble sur tous les continents, si je ne me trompe pas. C'est un lieu de vie donc, où chacun partage le quotidien des uns et des autres avec des salariés, des personnes en service civique et puis des habitants, tout simplement. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, Zoé, de vous engager dans cette action ? Alors, je suis infirmière de formation et j'avais fait moi-même mon service civique avant mes études pour faire une pause. Et ça a confirmé mon projet de devenir infirmière. C'était cette idée de vivre ensemble et cette relation qui était permise avec les habitants, qui était une relation simple. Et en fait, ce qui m'a donné envie d'y revenir, c'est que je ne me voyais pas être dans une grande institution. Voilà, je trouve que cette association, elle permet un lien avec les personnes qu'on accompagne. Et même, on se permet de dire que parfois, ça peut être une amitié avec les gens avec qui on vit. Et que aussi, ces personnes qu'on accompagne peuvent nous apporter voilà, et nous apprendre par leur situation. Ça amène beaucoup d'humains dans les relations, oui, c'est ça ? Oui, énormément. Et avec une formation d'infirmière aussi derrière, qui a continué après ? Oui, j'ai terminé ma formation d'infirmière et après ça, je suis revenue à l'Arche comme responsable. Pour expliquer un peu pour des jeunes qui nous écoutent, service civique, c'est peut-être un peu flou. Oui. On entend parler, on en cherche beaucoup, surtout en cette période. Comment ça marche ? Alors, un service civique à l'Arche, ça peut avoir plusieurs modalités au niveau des horaires. Ça peut être... Alors, la plupart du temps, c'est une vie sur place, avec un partage des repas, donc le petit déjeuner où on le prend tous ensemble, le dîner aussi. Le midi, les personnes seront au travail, donc la plupart du temps, il n'y a pas... Enfin, il y a certaines personnes qui restent à la maison. C'est un accompagnement à la vie quotidienne. Si les personnes le désirent, ça peut être des accompagnements pour des brossages de dents, des choses comme ça. Mais ça, c'est uniquement si les personnes qui font service civique le désirent. Et c'est beaucoup de présence, c'est beaucoup de partage. Les services civiques, c'est ce qui permet à l'Arche, ce sont les personnes qui permettent à l'Arche cette vie ensemble et le fait de pouvoir se poser dans un canapé, de discuter, de se demander comment s'est passée notre journée, de pouvoir jouer à un jeu, partager une tisane après le repas. Le week-end, c'est des activités. Voilà, c'est beaucoup de présence qu'on demande à un service civique et c'est pas si facile, voilà, d'être présent. On a beaucoup, par exemple, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, notamment des Allemands qui font une année de césure après leur bac, qui ont cette habitude, cette culture qu'on a peu, mais qu'on voit de plus en plus. Il y a aussi des Français, même de la région, qui viennent, qui font une césure dans leurs études ou à la fin de leurs études, avant de commencer le travail, ou même après avoir commencé à travailler, mais se rendant compte que ça leur convient pas et se demandant un petit peu ce qu'ils veulent pour après. Voilà. Et c'est aussi un moment, un espace où on peut se demander quoi faire après. Et il y a une aide, il y a une préparation voilà, avec la DRH qui accompagne sur ce chemin-là, justement. Accompagner des personnes en situation de handicap, c'est pas forcément donné à tout le monde, évidemment. Hein. Tout le monde n'a pas forcément les clés pour le faire, surtout si on a entre 18 ans et 25 ans. Ouais. Donc il y a vraiment un accompagnement derrière, on a une formation aussi. Comment ça se passe ? Il y a des formations volontaires. Donc sur l'année, il me semble qu'il y en a 6. Donc c'est 6 journées entières où il y a des formations sur différents thèmes. Ça va être l'accompagnement à tout ce qui est intimité, comment respecter la pudeur, Voilà, ça va être la vie ensemble, comment favoriser un environnement convivial. Ça va être sensibilisation à qu'est-ce que vivre avec un handicap, donc là avec des témoignages de personnes en situation de handicap. Donc il y a plein de thèmes comme ça et ils sont très accompagnés. Il y a aussi deux rendez-vous par mois avec la DRH qui va permettre... qui va leur permettre de s'exprimer, de voir s'il y a des difficultés et de vraiment être accompagné par l'équipe aussi. Le responsable de maison est missionné de rencontrer régulièrement aussi le service civique. Donc je trouve qu'il y a un accompagnement soutenu pour le service civique. Et aussi, il n'a pas la responsabilité de tenir l'accompagnement. Enfin, le service civique, c'est en plus de l'équipe. Et on lui demande principalement d'être présent. Oui, parce qu'il y a des salariés aussi. C'est ça. C'est ça. Ils sont en soutien. Oui. Ils sont très importants pour l'atmosphère de la maison, pour la vie ensemble. Mais le but, c'est qu'ils se sentent libres dans l'implication qu'ils mettent. Loris. J'avais une question avec les services civiques. Est-ce que vous leur proposez peut-être un accompagnement après pour justement les aider à trouver leur chemin dans ce domaine-là de l'entraide ? Alors, il me semble que l'accompagnement se fait beaucoup pendant. Donc pendant, effectivement, mais quel que soit le parcours, en fait, même si la personne a envie d'être ingénieur, on va l'accompagner dans comment peut-être trouver la bonne école, il y a cet accompagnement. Sur le après, pas à ma connaissance. Pour prendre l'exemple de la canopée, vous êtes combien d'habitants ? Comment ça se partage entre les salariés, les habitants et les services civiques ? Oui, alors la canopée, c'est pour l'instant l'exception de l'association. C'est une grande maison, il y a 10 habitants. Mmh. Dans les deux autres maisons, il y en a 7. Dans la maison qui ouvrira bientôt, il y en aura aussi 10. Mmh. Et donc, il y a 10 habitants chez nous. Il y a une salariée interne. Normalement, on en a deux par maison. Là, il y en a une. Il y a deux volontaires qui sont aussi internes et il y a un alternant et donc qui est là plusieurs semaines par mois, donc alternant en éducation spécialisée, et il y a moi-même et moi je suis externe. Là, vous cherchez aujourd'hui des services civiques pour la rentrée de septembre. C'est ça. Sur des périodes de combien après Le service civique, en général, c'est une dizaine de mois, mais nous, on aime bien prolonger jusqu'à fin août au nom de l'association. Pour permettre une année entière et vraiment de fin juillet et permettre une année entière de pouvoir se dire au revoir tous ensemble. Il y a une fête à la fin de l'année pour dire au revoir à toutes ces personnes qui ont aidé à la vie commune. Il y a une garden party au mois de juin. Il y a une garden party au mois de juin, exactement. Vous êtes bien renseigné. Et donc aujourd'hui, vous cherchez des services civiques pour la rentrée. Ils s'engagent à venir à habiter avec les habitants, le service, sur place. Oui. Le service civique, c'est vraiment cette idée de faire partie de la vie ensemble et donc d'habiter sur place. La plupart des studios qui sont proposés au service civique, sont des beaux studios avec une salle de bain, pas tous, donc je veux pas trop m'avancer, mais et une vie dans la maison, une maison qui ressemble à une maison, quand les personnes entrent, se demandent un peu où elles sont parce que ça ressemble à une grande maison de famille et c'est un cadre de vie qui est agréable. Il y a des jardins dans les maisons, et elles s'engagent à faire partie de la vie de cette maison. Et pour avoir déjà donné la parole plusieurs fois sur Fadjet à des services civiques qui ont fait cette expérience à l'Arche, c'est toujours très très très positif. Ils en sortent vraiment changés. Oui. C'est votre cas aussi ? Oui, évidemment. Je ne serais pas revenue. Oui. C'est une opportunité qu'on a peu de se responsabiliser et de recevoir des preuves de confiance, en fait. À 18 ans, on est capable d'être présent dans la mesure de ce qu'on veut, de ce qu'on peut donner, avec toujours cette sécurité de l'équipe, de la hiérarchie. Mais cette opportunité de prendre soin. Et ça, c'est important. Alors, si ça intéresse des auditeurs de vouloir s'engager ou d'en savoir plus, comment ils peuvent faire ? L'adresse mail pour vous contacter ? Oui, ce sera accueil@arche, donc sans H, -nancy.org. Voilà, déjà pour contacter l'Arche, pour proposer ses services, il y a aussi le site des services publics, des services civiques. Il y a le site des services civiques où justement on peut vous retrouver, et même nous, on en a déjà passé plusieurs dans les différentes émissions. Un dernier mot peut-être pour donner envie à des gens de découvrir cette expérience. Alors on cherche des services civiques et aussi des salariés vivant en maison. Et donc là, c'est une autre aventure qui est professionnelle cette fois, toujours dans le même cadre de vie, et là avec... on demandera plus d'accompagnement, ça va être aussi les accompagnements aux rendez-vous médicaux, au bien-être des personnes, soutien, faire le lien avec les familles aussi, et organiser la vie de la maison et le fait qu'elle tourne correctement. Donc là, ça nécessite d'avoir une expérience déjà, peut-être des diplômes éventuellement. Quel profil vous intéresse ? Il y a beaucoup de profils. Il arrive souvent qu'un service civique qui s'est bien plus dans l'association, qui par exemple a fait une deuxième année en volontariat, ensuite devienne salarié. Donc ça, c'est de l'expérience de la vie sur le terrain. Ensuite, il y a possibilité de venir avec des formations comme accompagnement éducatif et social. Donc voilà, il y a une possibilité de venir avec des diplômes type accompagnant éducatif et social, moniteur éducateur. C'est pas une nécessité, ce qu'on demande. On va beaucoup regarder sur le savoir-être, l'expérience de vie aussi des personnes, quelles compétences elles ont développées au cours de leur parcours. Et voilà, ça, c'est beaucoup pris en compte. Le savoir-être est très important. Je crois qu'on peut avoir plein de diplômes, mais pour vivre comme ça ensemble et être dans cet esprit de l'arche, finalement, c'est beaucoup d'expérience. On vient avec qui on est. www.arche-nancy.org pour retrouver toutes les infos, les contacter, oui. Et peut-être aller à votre rencontre déjà physiquement. Il y a plusieurs maisons déjà sur Nancy. Merci c'est beaucoup. Oui. J'ai un dernier mot. Vas-y. Cette année, on fête les 60 ans de l'Arche à Nancy. Donc voilà, il y aura pour signifier que ça fait 60 ans, enfin de l'Arche en France, pardon, ça fait 60 ans. Et on participe aussi en 2024 au JO. Donc on aura un rôle de réception et orientation. Merci Zoé. Je vous en prie. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.